الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام: العاشر الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. Donc le Cheikh رحمه الله تعالى il cite le dixième annulatif de l'islam qui est al-i'rad an dinillah, c'est-à-dire le fait de se détourner de la religion d'Allah Azza wa Jal. Il ne la prend pas, il ne la met pas en pratique. Il dit: la preuve de cela est la parole d'Allah Azza wa Jal. Et y a-t-il plus injuste que celui dont les versets lui ont été apportés, puis s'en est détourné? Donc il faut savoir, mes très chers frères, que al-i'radu fi al-lughati kama qala al-raghib fi al-mufradat al-i'radu 'an al-shay' as-sadd 'an, c'est-à-dire le fait de se détourner d'une chose, c'est le fait de la délaisser, ou de la rejeter. Et cet annulatif, il est en rapport aussi bien avec le fait de délaisser ou de rejeter l'apprentissage ou de la pratique. Donc c'est pour ça que il dit, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a expliqué les différentes sortes de mécréances, il a cité la mécréance du détournement, du fait de se détourner de la religion. Il a dit: wa amma kufru al-i'rad fa an yu'rida bi sam'ihi wa qalbihi 'an ar-rasul la yusaddiquhu wa la yukaththibuhu wa la yu'adihi wa la yusghi ila ma ja'a bihi al-batta. Donc il dit, Ibn al-Qayyim, la mécréance du détournement, du fait de se détourner, c'est le fait de se détourner avec l'écoute ou avec le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ni il le rend véridique, ni il le dément. Ni il ne le déteste, ni il écoute ce qu'il a apporté alayhi salatu wa sallam. Donc, le fait de se détourner de la religion complètement, il n'y a aucun doute que c'est une mécréance claire et que c'est un annulatif de l'islam. Et que la personne, elle a annulé son islam par cette chose-là. Et il dit aussi, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, dans une autre parole: kufru, il dit, wa kufru i'radin mahdun la yanzuru fima ja'a bihi ar-rasul ولا يحبه ولا يبغضه ولا يواليه ولا يعاديه بل هو معرض عن متابعته ومعادته. Donc il dit, la mécréance du détournement est claire. C'est celui qui ne regarde pas et n'écoute pas ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne l'aime pas et ne le déteste pas. Il ne s'allie pas avec lui, ni il ne se désavoue. Cependant, il se détourne sur le fait de le suivre, et il n'est pas pour autant quelqu'un d'ennemi, qui a une animosité. Vous comprenez? Donc ce naqid-là, le naqid qui cite Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, il est en relation avec le fait de se détourner dans l'apprentissage et dans l'action bi asl ad-din, la base de la religion. Alladhi la yakunu al-mar'u musliman illa bihi. Ce avec quoi la personne ne peut être musulmane qu'avec cela. Donc celui qui n'apprend pas la base de la religion et ou qui ne la met pas en pratique, eh bien cela, il tombe dans cet annulatif qui est al-i'rad an dinillah. Et aslu ad-din, c'est tawhid. Aslu ad-din, c'est tawhid. C'est donc pour cela que même Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a une risala qui s'appelle Asl Din al-Islam, la base de la religion musulmane, qui en réalité, il explique At-Tawhid. Donc At-Tawhid, c'est la base de la religion. Celui qui ne l'apprend pas, celui qui ne le pratique pas, n'est pas un musulman. Et Asl al-Tawhid, qu'est-ce que Asl al-Tawhid? C'est la parole La ilaha illallah. Tayyib. Et dans cette parole, il y a des conditions. La première condition de La ilaha illallah, quelle est-elle? Al-ilm alladhi yunafi al-jahl. La science qui est à l'encontre de l'ignorance. Donc on avait dit précédemment que la parole, elle a c'est une parole qui doit être dite avec la bouche et qui doit être crue avec le cœur et qui doit être mise en pratique avec le corps. Mais si la personne il l'a dit avec sa bouche, mais il ne connaît pas son sens, il ne connaît pas sa signification, comment veux-tu qu'il croie à son sens, puisqu'il ne le connaît pas? Comment veux-tu qu'il se soumette et qu'il respecte les conditions de cette parole, alors qu'à la base, il ne connaît même pas son sens? Vous comprenez? Donc le fait qu'il ne comprenne pas le sens de cette parole, et qu'il ne cherche même pas à l'apprendre, à le comprendre et à le mettre en pratique, cela fait de lui une personne qui n'est pas musulmane en réalité. Car il est tombé dans un annulatif de l'islam. Donc, qu'est-ce qui nous prouve que la réalité de la parole de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, c'est qu'il parle en réalité de la base de la religion? C'est l'explication qu'ont donné ses petits-enfants. Et j'ai déjà cité précédemment que la meilleure explication d'une parole d'un savant, la meilleure, c'est celle de ses élèves, celle de ceux qui sont proches de lui. Donc, si par exemple me dit quelqu'un, je préfère l'explication d'un savant contemporain de telle parole du Cheikh, alors que son fils ou son petit-fils qui est un élève de lui et qui a pris la science de lui l'a expliqué à celle-ci, c'est qu'il n'a rien compris. Car il a pris de lui. Donc il a une meilleure connaissance de sa parole. Donc il dit à Shir Sulayman ibn Samhan rahimahullahu ta'ala, il dit فتبين من كلام الشيخ يعني الشيخ محمد رحمه الله أن الإنسان لا يكفر إلا بالإعراض عن تعلم الأصل الذي يدخل الإنسان في الإسلام لا بترك الواجبات والمستحبات. Vous comprenez? Donc il dit, Cheikh, c'est clair. Il explique la parole de son Cheikh. Il dit, sa parole nous montre que l'homme ne devient pas mécréant en se détournant que lorsqu'il délaisse l'apprentissage de la base avec laquelle il devient musulman. et non pas en délaissant les obligations ou les choses qui sont recommandées. Donc une personne, il va dire, oui, moi je me détourne du jeûne, du ramadan, mais je sais que c'est obligatoire et que je suis un pécheur. Est-ce que ça veut dire que cette personne, c'est un mécréant? Non. Mais si la personne, il se détourne de la base qui est la ilaha illallah, il ne l'apprend pas, il ne veut pas savoir son sens, il ne veut pas le connaître, ou il est désinvolte, c'est-à-dire qu'il ne se prend pas la tête, et bien celui-là, il tombe dans cet annulatif. Et il a dit aussi dans une autre parole qui est plus longue, je la cite. وَأَمَّا مَنْ ظَاهِرُهُ لَا إِسْلَامْ وَلَا كُفْرٌ بَلْ هُوَ جَاهِلٌ فَنَقُولُ هَذَا الرَّجُلُ الْجَاهِلُ إِنْ كَانَ مَعَهُ الْأَصْلُ الَّذِي يُدْخِلُ بِهِ الْإِنسَانُ فِي الْإِسْلَامِ فَهُوَ مُسْلِمٌ Il dit, et celui dont son apparence est ni islam ni mécréance, mais c'est un ignorant. Nous disons que cet homme est un ignorant, mais s'il a la base avec laquelle la personne devient musulman, eh bien c'est un musulman. وَلَوْ كَانَ جَاهِلًا بِتَفَاصِيلِ دِينِهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى عَوَامِ الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ لَا قُدْرَةَ لَهُمْ عَلَى مَعْرِفَةِ تَفَاصِيلِ مَا شَرَعَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنْ يَعْرِفُوا على التفصيل ما يعرفه من أقدره الله على ذلك من علماء المسلمين وأعيانهم. Donc il dit, même s'il ne connaît pas la science, يعني avec précision, car Allah Azza wa Jal ne lui a pas demandé de connaître la science, يعني les gens de base, avec précision, car il n'en a pas la capacité, mais Allah a donné la capacité aux savants de l'islam pour connaître la science avec précision. À partir du moment qu'il a la base avec laquelle il devient musulman, même si c'est un ignorant, mais il a la base. Donc cette base fait de lui quoi ? Fait de lui un musulman. Et cette base-là, nul ne peut l'ignorer. Nul ne peut l'ignorer. C'est-à-dire que tout le monde doit connaître cette base, même l'ignorant dans l'islam. C'est-à-dire qu'on peut être ignorant dans l'islam, mais on n'a pas le droit d'ignorer cette base. Que si nous l'ignorons et que nous ne cherchons pas à la connaître, eh bien cela fait de nous des kuffars, on n'est pas des musulmans. Wal'iyadu billah. Donc il dit... ما يعرف من أقدره الله على ذلك من علماء المسلمين وعيانهم فيما شرعه الله ورسوله من الأحكام الدينية بل عليهم أن يؤمنوا بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا. Donc العوام qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent croire à ce que a apporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam en général, c'est-à-dire ils y croient en général. Et il ne remet pas en cause une chose qui est dans le livre d'Allah ou dans la sunna du prophète sallam. كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإن لم يسلل المهم فإن لم يوجد معه الأصل الذي يدخل به الإنسان في الإسلام فهو كفر كافر وكفره هو بسبب الإعراض عن تعلم دينه لا علمه ولا تعلمه ولا عمل به. Donc c'est واضح. Il dit en ce qui concerne celui qui n'a pas cette base, c'est un ignorant, les deux c'est des ignorants, mais il n'a pas la base qui le fait rentrer dans l'islam, et bien celui-là est un mécréant. Et sa mécréance, quelle est la cause? C'est qu'il s'est détourné de l'apprentissage de sa religion. Ni il l'apprend, ni il la met en pratique. وَالتَّعْبِيرُ بِأَنَّ ظَاهِرَهُ لَا إِسْلَامُ وَلَا كُفْرُ لَا مَعْنَ لَهُ عِنْدِي. Il dit, le fait de dire qu'une personne, elle est ni musulmane, que son apparent n'est pas musulman, ni mécréant, il dit, cela, je ne le connais pas moi, je ne sais pas, ça n'existe pas, ça n'a pas de sens. لِأَنَّهُ لَبُدَّ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا جَاهِلًا ou kafiran jahila. Il peut être que dans ces deux cas-là. Soit c'est un musulman ignorant, mais il a la base, que tu n'as pas le droit d'ignorer. Soit c'est un kafir ignorant. Il n'a pas la base que nous devons ignorer. Donc ça, c'est assez clair, je pense, dans le fait que al-i'rad, c'est-à-dire le fait que la personne se détourne, est en relation avec le fait qu'il se détourne sur la base de la religion et non pas sur les choses qui sont connues par les savants en particulier, ou les choses qui sont obligatoires mais dont les gens du commun ne connaissent pas les détails. Ne connaissent pas les détails. Comme par exemple, si nous prenons un exemple, le jeûne par exemple, eh bien, tout le monde sait que le jeûne, c'est du matin jusqu'au soir, etc. Mais, et qu'il ne doit pas manger entre ces deux temps-là. Mais il ne connaît pas les détails, les jugements du jeûne en détail. Vous comprenez? Et on a demandé aussi à Cheikh Abdul Latif ibn Abdurrahman ibn Hassan, un des petits-fils du Cheikh aussi, à propos du dixième annulatif. Ils lui ont posé la question sur ce dixième annulatif. Il a dit inna ahwal an-nas tatafawat tafawutan 'aziman wa tafawutuhum bihasbi darajatihim fil iman. Donc il dit les gens ils sont différents dans la foi. Certains ils ont plus de foi que d'autres, etc. Idha kana aslu al-iman mawjoud, il dit regardez, il dit si la base de la foi est là, wa at-tafriṭ wa ash-shirk innamā huwa fī mā dūna dhālika min al-wājibāt wal-mustaḥabbāt wa imma وأما إذا عدم الأصل الذي يدخل أو يدخل به في الإسلام وأعرض عن هذا بالكلية فهذا كفر الإعراض فيه قوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس إلى آخر الآية وقوله تعالى من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. Donc il dit Cheikh Abdul Latif, lorsqu'on l'a posé, il a dit les gens sont différents dans la foi à partir du moment qu'il a la base de la foi. Et après, il y a la diminution, elle est dans ce qui est obligatoire et ce qui est recommandé. C'est-à-dire, toi, tu as la base de la foi, lui, il a la base de la foi. Lui, il a la base de la foi. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est différent? C'est que toi, tu pratiques plus ou tu pratiques moins. Après, il dit, et ce asle-là, s'il ne l'a pas, c'est ça qui est la mécréance du détournement, le fait que tu te détournes. Le fait que tu te détournes. Donc, il est là. Elle est là, la mécréance du détournement. C'est-à-dire que la personne, il se détourne de la base. Il se détourne de la base de la religion. Il ne l'apprend pas, il ne la met pas en pratique. Ensuite, le Cheikh Mohammed rahimahullah ta'ala, il a rapporté une preuve où Allah Azza wa Jal dit il n'y a pas plus injuste que celui dont les versets lui ont été apportés, puis qu'il s'en est détourné. Qala ibn Kathir rahimahullah ta'ala, ay la azlamu mimman ذكره الله بآياته وبينها له ووضحها ثم بعد ذلك تركها وجحدها وأعرض عنها وتناساها كأنه لا يعرفها. Il dit le verset, qu'est-ce qu'il veut dire en réalité? Ibn Kathir, il dit il n'y a pas plus injuste qu'une personne dont Allah Azza wa Jal lui a apporté les versets, il lui a montré, expliqué, clarifié, puis qu'il les a délaissés, même renié, il s'en est détourné et il les a oubliés comme s'il ne les avait pas connus ou entendus aslan. Puis il y a d'autres preuves sur cet annulatif. Il y a d'autres preuves, notamment la parole d'Allah que j'ai citée précédemment, où Allah dit wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Celui qui se détourne de mon rappel, il aura certainement une vie étroite. et nous le ressusciterons le jour de la résurrection aveugle. Donc cela prouve que il y a plein de versets dans le livre d'Allah Azza wa Jal qui prouvent ce dixième annulatif qui est cité ici. Donc maintenant, on se rend compte, après qu'on a expliqué ou qu'on a lu les paroles des savants sur cet annulatif qui explique cet annulatif, que les gens sont de plusieurs catégories. Les gens sont de plusieurs catégories. La première catégorie, je parle bien sûr dans le détournement, dans le fait de se détourner. La première catégorie, c'est des gens qui se sont détournés de la base de l'islam. Ni ils l'ont appris, ni ils l'ont mis en pratique. Ceux-là sont des kuffar bi-ijma'. C'est l'annulatif. C'est l'annulatif. La deuxième catégorie de gens, c'est des gens qui se sont détournés dans l'apprentissage ou dans la pratique des choses précises dans la religion. Pas de la base. De ce qui est en plus de la base. De ce qui est en plus de la base. Donc ceux-là, ils ne sont pas tombés dans un annulatif de la foi. Vous comprenez ce que je dis ? Ils ne sont pas tombés dans un annulatif de la foi. Mais certainement qu'ils commettent un péché. Cela dépend de la chose dont laquelle ils se sont détournés. La troisième catégorie de personnes, c'est des gens qui sont égarés, mécréants, associateurs, et qui n'ont pas reçu la révélation. C'est-à-dire qu'ils se sont détournés de la base, mais pas par leur volonté, parce qu'ils n'ont pas réussi à atteindre يعني ما قامت عليهم الحجة الرسالية, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas reçu le message. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils se sont détournés, mais pas par leur vouloir. C'est parce qu'ils n'ont pas reçu le message. Donc ceux-là, est-ce que c'est des musulmans? Non, c'est des kuffars. C'est des mouchriquins. C'est des gens qui, même s'ils n'ont pas reçu le message, ils sont sur leur mécréance. Et on les considère comme tels. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'Allah Azza wa Jal, il a renié le fait qu'il allait châtier des gens qui n'ont pas reçu le message. Allah Azza wa Jal a dit وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Nous châtirons pas jusqu'à ce que nous envoyons un messager. Eux, ils n'ont pas reçu le message. Allah n'a pas renié le fait qu'ils soient des associateurs ou des mécréants, mais il a renié le fait qu'ils soient châtiés. Vous voyez la différence? Et c'est une grande différence. Donc ces gens-là, comme il y a plusieurs hadiths qui sont rapportés, ils seront, s'ils n'ont pas reçu le message, eh bien ils seront testés. Ils seront testés yawm al-qiyamah. Donc voilà, inshallah ta'ala, en gros, ce que dit le Cheikh rahimahullah ta'ala dans le dixième annulatif. Puis il a une khatima, c'est-à-dire qu'il termine, le Cheikh rahimahullah ta'ala, Nawaqid al-Islam par une khatima. Il dit, وَلَا فَرْقَ فِي جَمِيعٍ هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. Donc il dit l'auteur رحمه الله تعالى pour finir, il n'y a aucune différence dans ces annulatifs, sur celui qui les fait en rigolant, ou sérieusement, ou par peur, sauf celui qui en est contraint. Et toutes ces annulatifs sont très dangereuses. et elles sont très répandues. Il est donc du devoir du musulman de s'en détourner et de les craindre sur lui-même. Taïb, ça c'est la khatima du shir. Avant cela, j'ai quelques points à citer sur le dixième annulatif que j'ai oublié de citer et qui me reviennent. La première chose, c'est que comme la mécréance peut être faite par la croyance, la parole et l'action, elle peut être faite aussi par le délaissement. Vous vous rappelez qu'on avait parlé de ça? C'est-à-dire que la personne, il peut être mécréant en délaissant une chose. Notamment comme celui qui délaisse la prière. Celui qui délaisse la base de l'islam, etc. Donc, il ne faut pas croire qu'il faut faire pour être mécréant. Même le fait de délaisser peut te mener à la mécréance. Deuxième chose, c'est que l'ignorant, il n'est pas excusé par le fait qu'il ne connaisse pas la base de l'islam. Le fait que l'ignorant ne connaisse pas la base de l'islam, même s'il atteste et qu'il répète l'attestation des dizaines de fois, eh bien, il ne sera pas excusé par le fait qu'il ne connaisse pas le sens de cette parole et le sens qu'il doit croire et ce qu'elle implique. Il ne sera pas excusé. Aussi, il faut savoir que la mécréance est de différentes catégories. Et ici, le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il en a cité une, qui est la mécréance du détournement, du fait de se détourner. Il y a aussi kufru at-takdhib, c'est-à-dire la mécréance de démentir, c'est-à-dire que tu démens une chose avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. Alayhi salatu wassalam. Comme le fait de démentir la résurrection ou le châtiment de la tombe ou etc. Tout ça c'est de la mécréance majeure. Il y a aussi la mécréance de l'orgueil. Kufr l'istikbar. C'est-à-dire que la personne, il est orgueilleux. Et ça c'est le mu'anid. Ça c'est al-mu'anid. C'est celui qui a connu la vérité et qui s'en est détourné. En fait, il faut que vous voyez entre al-mu'rid ou al-mu'anid, il y a les deux se détournent. Mais al-mu'rid, il se détourne par ignorance. Alors que al-mutakabbir yu'rid an ilm. Comprenez? Pourtant, c'est un aqid, al-mu'arid. Il y a aussi kufr al-shak, la mécréance du doute, que la personne, il doute sur des choses où il ne doit pas douter, que nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a aussi kufr al-juhud, qui est un peu comme takdhib, le fait de renier. Kufr al-nifaq, c'est-à-dire de montrer l'islam et de cacher la mécréance, etc. Donc, cela sont les catégories de mécréance majeures. Donc, mes frères, il y a aussi une réponse pour les mourdis dans ce naqid. Il y a une réponse aussi pour eux, car eux, la mécréance est dans le cœur pour eux. Et l'i'rad, c'est quelque chose qui est avec le fait de se détourner. C'est une action que tu ne la prends pas et que tu ne la mets pas en pratique. Vous comprenez? Donc aussi, dans cet annulatif, nous pouvons tirer que c'est une réponse pour le murji'a, qui sont des gens de dalal, de l'égarement, et qui font beaucoup d'égarements. Puis il a cité le shir al-khatima, c'est-à-dire la conclusion. Et dans cette conclusion, le shir rahimahullah ta'ala, il dit que les personnes qui tombent dans ces annulatifs, les 10, eh bien, qu'ils rigolent ou qu'ils soient sérieux ou qu'ils aient peur, eh bien c'est un mécréant, sauf s'il est contraint. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala, il cite plusieurs cas. Nous on va les citer avec détail. Plusieurs cas. Le premier cas qu'il cite, le Cheikh, c'est pas grave si nous donnons pas l'ordre exact du Cheikh, mais il les cite. C'est celui qui fait un annulatif de l'islam, qui tombe dans un annulatif de l'islam, et il est sérieux, yani, il veut le faire, yani, il est jad, jazim, il le fait. Fahuwa kafir bil ijma'. Ça, c'est le premier cas. Lui, c'est un mécréant bil ijma'. Le deuxième, c'est celui qui va faire une mécréance, un de ces annulatifs que nous avons cités, mais pour rigoler, pour s'amuser, pour délirer, comme on dit. Lui aussi, c'est un kafir, bil ijma'. Lui aussi, c'est un mécréant avec le consensus. Et nous avons parlé de, dans le naqid, de l'istihza. Donc, qala Cheikh Sulaiman ibn Abdillah, أجمع العلماء على أن من استهزأ بالله وآياته وبرسوله أو بدينه كفر كفر ولو هازلا c'est-à-dire même s'il est en train de rigoler ولم يقصد حقيقة الاستهزاء et lui il a pas voulu vraiment se moquer, il a voulu rigoler, donc c'est un kafir quand même. Ils ont demandé à Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, contemporain. Ils ont dit, ma hukm man istahza biman tartadi al-hijab al-shar'i wa tughatti wajhaha wa kaffayha. Ils ont dit, quel est le jugement de celui qui se moque des femmes qui couvrent leur visage et qui mettent des gants, yani qui mettent le niqab en gros. Qal man istahza min man istahza aw man yastahzi bil muslima aw al muslim من أجل تمسكه بالشريعة الإسلامية فهو كافر سواء كان ذلك الحجاب الشرعي أو سواء كان ذلك الحجاب الشرعي أم غيره. Donc il dit, celui qui se moque de la musulmane ou du musulman à cause du fait qu'il pratique ou qu'il s'accroche à une chose qui est dans la législation est un mécréant. Que ce soit le voile islamique ou autre. Donc, Cheikh Ibn Baz, il est connu pour être un khariji aussi, non? Yani, donc c'est... Il dit clairement que celui qui se moque, yani, مثلاً, comme les gens aujourd'hui se moquent de la barbe, مثلاً, ou ils se moquent du hijab, ou etc. C'est une chose qui est reliée à din. Eh bien, tout ça fait partie de la mécréance majeure. C'est pour ça que j'avais dit quand nous avions parlé du naqid où il parle de l'istihza qu'il faut faire attention de parler avant de parler. Et il ne faut jamais rigoler sur quelque chose de la religion. Jamais. Troisième cas, c'est celui qui va faire un annulatif de l'islam par peur. Mais il n'est pas contraint. Il faut bien faire la différence. Il n'est pas sous la contrainte. Simplement, il a peur. Donc, ça veut dire il a peur de quelque chose. Donc, il va faire un annulatif de l'islam. Mais il n'est pas sous la contrainte. Donc, il dit aussi, Cheikh Sulaiman ibn Abdillah, « I'lam rahimakallah, anna l'insana » إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم خوفا منهم ومدارة لهم ومداهنة لدفع شرهم فإنه كافر مثلهم وإن كان يكره دينهم ويبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين. واضح يعني je sais pas les gens pourquoi ils sont, c'est clair. Il dit, sache qu'Allah te fasse miséricorde. Que la personne, s'il montre aux associateurs qu'il est comme eux dans la religion par peur, ou pour repousser un mal. Alors il est mécréant comme eux. Même s'il déteste leur religion, il les déteste. Et qu'il aime l'islam et les musulmans. Ce n'est pas une histoire de cœur. C'est une histoire d'action, de parole. Quatrième cas, c'est celui qui fait un annulatif de l'islam, mais il est sous la contrainte. Il est sous la contrainte, mais son cœur, il est mutma'innun bil kufr. Son cœur, il est apaisé par la mécréance. فهذا كافر بالإجماع هو مثلهم. C'est-à-dire il est sous la contrainte mais son cœur il est apaisé par la mécréance. Il est apaisé par ce qu'ils lui font dire, par ce qu'ils lui font faire. Vous comprenez? Celui-là, c'est le numéro 4, le cas numéro 4, il est comme eux. إجماعًا. Le cas numéro 5, ils sont tous cités dans la parole du Cheikh, juste il faut les tirer. C'est celui qui a fait un annulatif de l'islam, mais il est sous la contrainte et son cœur est apaisé par la foi. Son cœur est apaisé par la foi. Eh bien, celui-là n'est pas considéré comme un kafir bil ijma'. Il n'y a que du ijma' ici. C'est-à-dire, celui qui va nous khalf, celui qui ne va pas être d'accord avec nous, c'est qu'il n'est pas d'accord avec l'ijma'. Il a miskin, c'est un imma jahil. Soit c'est un jahl, un ignorant, soit c'est un orgueilleux. Mais il n'y a que du ijma, il n'y a que du consensus. Donc celui qui va faire un annulatif, mais il est sous la contrainte, et que son cœur est apaisé par la foi, eh bien celui-là, eh bien est considéré comme étant un musulman bil ijma. Allah a dit, « Illa man ukriha » وقلبه مطمئن بالإيمان. Sauf celui qui a été sous la contrainte et son cœur est apaisé par la foi. C'est pour ça que dans l'histoire de Ammar, lorsqu'il fut châtié par les mécréants de Quraysh et qu'il a dit des paroles de mécréance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: comment te sens-tu? Il a dit: je me sens apaisé par la foi. Après, Allah Azza wa Jalla a descendu le verset. Donc il dit, Cheikh Sulaiman ibn Abdillah, encore. فَإِذَا أُكْرِهَ الْإِنسَانِ عَلَى الْكُفْرِ وَقِيلَ لَهُ أُكْفُرْ وَإِلَّا قَتَلْنَاكَ أَوْ ضَرَبْنَاكَ أَوْ أَخَذَهُ الْمُشْرِكُونَ فَضَرَبُوهُ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ أو ولم يمكنه التخلص إلا بموافقتهم جاز له موافقتهم في الظاهر بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان أي ثابتا عليه معتقدا له فأما إن وافقهم بقلبه فهو كافر ولو كان مكرها. واضح. الجي celui qui va être sous la contrainte et à qui nous allons, qui vont dire mécrois, sinon nous te tuons ou nous te frappons ou que les associateurs le prennent et qu'il n'a aucune force pour s'en se libérer, il a le droit de leur montrer yani qu'il est d'accord avec ce qu'ils disent dans l'apparent, à une condition que son cœur est apaisé par la foi, c'est-à-dire qu'il est ferme sur la foi. Cependant, s'il leur montre qu'il est d'accord avec eux et que son cœur est apaisé par la mécréance, eh bien c'est un mécréant comme eux, même s'il est sous la contrainte. Même si il est sous la contrainte. Donc il dit le Qurtubi rahimahullah, « Wa ajma'a ahlul ilmi ala anna man ukriha ala al-kufri hatta khashya ala nafsihi al-kufr. أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان. إجماع. Il dit, il y a le consensus, Al-Qurtubi, des savants sur le fait que celui qui est sous la contrainte de la mécréance et qu'il mécroit, yani parce qu'il a peur pour son âme, qu'il n'a commis aucun péché tant que son cœur est apaisé par la foi. Maintenant, les frères, il faut savoir qu'est-ce que la contrainte. Car toute chose n'est pas reconnue comme étant une contrainte dans la législation islamique. C'est-à-dire, si une personne dit, hey, écoute, mécrois, sinon je vais te gifler. Tu vas dire, ah, tu vas lui faire le coufre? Non. C'est pas comme ça. Donc, la contrainte, elle a des règles dans la législation. Donc, pour que la contrainte soit considérée comme étant une contrainte, il faut qu'elle réunisse certaines conditions. La première condition, c'est que celui qui contraint, soit capable de mettre en œuvre sa menace. Ça veut dire que s'il te dit « je vais te tuer », c'est qu'il peut le faire. S'il te dit « je vais te couper en deux », c'est qu'il peut le faire. Yani, si c'est un samouraï, Allahu alam, etc. C'est-à-dire qu'il a la capacité de mettre en œuvre sa menace. Ça, c'est celui qui contraint. Deuxième condition, c'est que celui qui est contraint, est incapable de repousser cette menace par n'importe quel moyen. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, il est vraiment entre leurs mains, yani. Vous comprenez? C'est qu'il n'a pas la capacité de repousser cette menace. Troisième condition, c'est que celui qui est contraint, yarlubu ala dhannihi, c'est-à-dire qu'il a une conviction que celui qui le menace va mettre en œuvre. Donc il sait qu'il en est capable, mais qu'il va mettre en œuvre. C'est pas comme si quelqu'un dit hey, fais la mécréance, sinon je vais te tuer, il rigole, haha. Non. Vous comprenez? C'est qu'il a vraiment. Il sait, par exemple, quelqu'un qui est dans une prison, dans un pays arabe, par exemple. Il va te dire je vais te tuer, lui, il faut le prendre au sérieux, lui. Parce qu'ils vont le faire. Et vous voyez les choses qu'on voit dans les médias et tout ça, sur BFM, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui mettent en œuvre. Et ils ont tué des centaines de milliers de personnes. Donc c'est pour cela que là, tu le prends au sérieux. Mais si quelqu'un joue avec toi dans la rue, dit ça, c'est pas pareil. Quatrième condition, c'est que la menace, ce soit une menace importante. Dans le sens, c'est une menace où il te menace de mort, où il te menace de couper un membre, ou de frapper jusqu'à que tu sois un légume, etc. C'est pas comme j'ai dit, je vais te mettre une gifle, ça y est. Mets-moi-en 10, je vais pas m'écroire. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il faut que la menace, ce soit quelque chose qui est important. Et malgré tout cela, il y a le consensus des savants sur le fait que celui qui patiente et qui est tué ou meurt, cela est encore mieux que de prendre la rursa, c'est-à-dire de faire la mécréance. Et ceci avec le consensus. Et vous voyez, subhanallah, récemment, ou il y a quelques temps, il montrait sur BFM, etc., une personne en Syrie qui était enterrée vivante. Et il ne restait que la tête. Et à ce moment, il lui disait... Dis que Bachar c'est ton ilah, wal iyad billah. Dis que Bachar c'est ta divinité. Vous comprenez? Mais la personne, s'il patiente et qu'il meurt, il a une récompense qui est inimaginable. Et ceci est mieux pour lui avec le consensus des savants. Donc ensuite, le cheikh il termine la risala complètement en invoquant Allah Azza wa Jal, où il dit « Na'udhu billah min mujibati ghadabih wa alim iqabih ». Donc il dit « Nous demandons à Allah protection sur ce qui va rendre obligatoire sa colère sur nous et sur son châtiment dur. Car il n'y a aucun doute que celui qui va faire un de ces annulatifs, il va encourir la colère d'Allah Azza wa Jal. Et il va être touché par un châtiment douloureux. Ikhwan, douloureux. Et c'est pour ça aussi qu'on tire de cette parole du Cheikh. Regardez le Cheikh, rahimahullah. Malgré que c'est Cheikh l'Islam, Mujaddid al-Tawhid, il a refait revivre l'unicité d'Allah Azza wa Jal chez les musulmans. L'unicité pure. Il sait c'est quoi Shirk. Il sait c'est quoi Tawhid. Il craint Al-Fitna. Il craint la turpitude. Il demande à Allah Azza wa Jal protection. Car la personne n'est pas à l'abri. N'est pas à l'abri de la turpitude tant qu'il est sur cette terre. Tant qu'il marche et qu'il est vivant sur cette terre, il n'est pas à l'abri de la turpitude. Aujourd'hui, tu es musulman. Demain, tu es kafir. Comme il l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. C'est-à-dire que le matin il se lève, il est croyant, le soir il est mécréant. Le soir il est croyant, le matin il est mécréant. Il vend sa religion pour une partie de ce bas monde. Donc tant que l'homme il est vivant, il doit demander à Allah Azza wa Jal protection contre ces choses-là. Et il doit demander à Allah Azza wa Jal, comme le faisait le prophète alayhi salatu wa salam, qu'il le raffermisse sur la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Oh, toi qui détiens les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Donc nous demandons à Allah Azza wa Jal qui raffermisse nos cœurs sur Tawhid et qui nous éloigne de la mécréance. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.